Ainsi se conclut votre nuit rêvée, Lewis Trondheim, alors que commence aujourd'hui la dernière journée du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Vous avez bien voulu composer ce programme d'archives pour nous, grâce à vous, cette nuit. Nous avons donc pu écouter Jean Giraud, alias Moebius, dans un entretien pour A Voix Nue en 2005, une émission consacrée à Stephen King, orchestrée par François Angelier, c'était en 1999. Un atelier de création radiophonique consacré au facteur cheval, diffusé pour la première fois en 1981. Un épisode des Nouveaux Chemins de la Connaissance consacré à Jean Kelevitch, pour lequel Raphaël Antoven avait reçu Lucien Gerfagnon en 2008. Une émission consacrée au roman de John Kennedy Toole, La Conjuration des Imbéciles, en 1982. Et enfin, à l'instant, le documentaire qu'Alexandre Tilski et Véronique Lamandour avaient consacré au duo Elfman-Burton pour l'atelier de la création en 2013. Il y avait bien d'autres souhaits que vous aviez formulés pour cette nuit. On n'a pas pu les exaucer tous, mais je voudrais qu'on mentionne l'un de ces vœux. Vous m'avez dit pour préparer cette nuit que vous aimeriez qu'on parle de ces inconnus qui changent le monde et qui sauvent des millions de gens. Par exemple, m'aviez-vous écrit le docteur Pittet. Alors, je ne connaissais pas le docteur Pittet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter, Lewis Trondheim? Le docteur Didier Pittet est suisse, il est toujours vivant et il a inventé la lotion hydroalcoolique qui ne permet pas de laver les mains, surtout dans les dispensaires, dans les brousses, etc. Et en fait, il s'est retrouvé un jour en Afrique et ces lotions-là étaient sous cadenas. Et il s'est dit, mais c'est pas possible, il faut absolument que ce soit démocratisé. Donc il a donné libre accès à son brevet de façon à ce que tout le monde puisse l'utiliser très facilement. Et de ce fait, il a vraiment sauvé des millions de vies, voire des dizaines de millions de vies. Mais personne ne le connaît. C'est fou. Oui, c'est un sujet très sérieux. Il aurait pu devenir milliardaire, mais il a choisi de, voilà. De faire en sorte il aurait surtout pu et dû devenir prix Nobel de la paix ou de l'humanité, ouais. Parce que c'est des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. C'est un sujet très sérieux, mais je voulais quand même qu'on en parle, parce que pour qui connaît un peu vos carnets à teneur autobiographique, en particulier les petits riens, ceux qui les ont lus... Surtout à Angoulême, je sers beaucoup les mains et j'ai ma petite lotion avec moi pour ne pas avoir la gastro après. L'hygiène des mains est quand même une constante assez obsessionnelle de vos carnets. Dernière question, on a parlé en ouverture de cette nuit des nouvelles aventures de Lapineau qui paraissent à l'association. L'an dernier était paru un album qui inaugurait le format 48cc qui est devenu une collection. Il y a un joli pied de nez dans cette histoire parce que le 48cc, c'est donc le format 48 pages cartonnées couleur qui est un format traditionnel de la bande dessinée et contre lequel, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'une certaine manière, contre lequel l'association avait été créée dans les années 90, en tout cas avec ceux avec qui vous aviez fondé cette maison d'édition, l'idée c'était de proposer autre chose. Donc le fait de voir revenir ce format-là au sein de cette maison était assez étonnant. On voulait faire autre chose, montrer que la bande dessinée c'était autre chose que des albums cartonnés couleurs avec le héros qui gagne à la fin. Donc on a fait plein de choses autobiographiques, de rêves, de reportages, etc. Mais depuis le temps, tout le monde a fait ça aussi. Donc on s'est dit, on va faire comme les autres. Et est-ce que du coup, il va y en avoir d'autres des albums dans cette collection? Ah oui, moi je vais en faire d'autres. Après, je ne sais pas si d'autres auteurs voudront venir travailler à l'association. Bon, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Lewis Trondheim, d'avoir été avec nous. Toutes les références des albums dont nous avons parlé seront à retrouver sur le site internet de France Culture à la page des nuits. Site sur lequel vous pourrez aussi, bien sûr, télécharger, réécouter toutes les émissions qui ont été diffusées tout au long de la nuit. Et puis pour se quitter, on va écouter un morceau que vous avez choisi. C'est un extrait de la bande originale de 8,5 de Fellini. Vous nous disiez tout à l'heure à quel point vous aimiez dans votre jeunesse écouter les bandes originales de films. Celle-ci est signée bien sûr Nino Rota. C'était donc La nuit rêvée de Lewis Trondheim par Mathilde Wagman, attaché d'émission Hassanem Béchour, prise de son YouTube Diego Aclopès, réalisation Virginie Mourté. Très bonne journée à toutes et à tous. À l'écoute de France Culture. Thank you.